revient, les rêves confortants, de toujours chanter dans les champs, pléthore de cracher des mensonges, aïe sous les projecteurs, aïe sous les projecteurs. Ils disent ce que les gens veulent, mais je trouve trop étrange qu'ils sachent toujours si bien à l'avance exactement ce que les gens voudront. C'est pour ça que je trouve bien plus réconfortant de toujours chanter dans les champs, pléthore de cracher des mensonges, et sous les projecteurs, et sous les projecteurs. Ils disent ce que les gens veulent, mais je trouve trop étrange qu'ils sachent toujours si bien à l'avance, à l'avance, à l'avance exactement ce que les gens voudront, ce que les gens voudront, ce que les gens voudront. Moi je dis que c'est de la divination sur toutes les nations, de la divination. Nos dirigeants, tous les dons. Alors pourquoi ne t'élisent-ils pas ces dons? Pour soulager la misère, pour atténuer les douleurs, pour effacer les chagrins. Pour soulager la misère, pour atténuer les douleurs, pour effacer les chagrins. Oh baby, baby, comment? Pour soulager la misère, pour atténuer les douleurs, pour effacer les chagrins. Oh baby, baby, comment? Alors pourquoi n'utilisez pas ces dons? Pour soulager la misère, pour atténuer les douleurs, pour effacer les chagrins. Pour soulager la misère, pour atténuer les douleurs, pour effacer les chagrins. Alors pourquoi ne qualifier ces dons que pour détruire qu'il reste encore d'humain en chacun d'entre nous, en chacun d'entre nous, d'entre nous. C'est pour ça que je trouve bien plus réconfortant de toujours chanter dans les champs, plutôt que de cracher des mensonges et sous les projecteurs. Et sous les projecteurs, et sous les projecteurs, et sous les projecteurs. Alors voilà, voilà, dans la société, il n'y aurait plus que mensonges. Partout, partout des mensonges. La vérité, c'est ce qu'on doit cacher. La vérité, c'est ce qu'on doit cacher. C'est qui dirait la vérité, c'est ce qui devrait se cacher. C'est ce qui devrait se cacher. Alors qu'il nous soit permis de rappeler que les mensonges, que les mensonges n'existent que dans les apparences. Qu'un seul regard, un seul de la vérité suffit à dissiper, suffit à dissiper, à dissiper. C'est pour ça que je trouve bien plus réconfortant de toujours chanter dans les champs, pléthore de cracher des mensonges. Aïe sous les projecteurs, œil sur le projecteur, œil sur le projecteur, œil sur le projecteur. Ils sont tellement fous qu'ils croient que tout est à eux. D'ailleurs, aux dernières informations, ils vont privatiser la démocratie. Ils vont privatiser la démocratie. Ils vont privatiser la démocratie. Ils vont privatiser la démocratie. Si tu le permets, dis-moi. La démocratie.